commence le cours 12 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' al-Madkhali hafadhahullah ta'ala Bahjatul Qari bil kitab wa sunnati min sahih al-Bukhari. On est arrivé donc au cours 12 aujourd'hui, et le hadith qu'on va expliquer, c'est le hadith numéro 11, le hadith al-Hadi Ashar. Donc par rapport au livre, je pense que ça c'est l'avant-dernier hadith qui est expliqué. Parce que dans le livre, il y a 12 hadiths qui sont expliqués. Et ça c'est le 11e. Donc c'est l'avant-dernier. Inch'Allah. Et ensuite, l'autre partie du livre, c'est des questions et des réponses. C'est des questions et des réponses, donc je sais pas, peut-être qu'on va seulement se limiter à lire l'explication des hadiths, mais c'est sûr que il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement bénéfiques sur des questions qui ont rapport avec le manhaj, et même des questions sur le fiqh aussi. En tout cas, c'est des questions intéressantes. On va voir, inshallah, si on va les traduire aussi. Ok, donc le hadith d'aujourd'hui, l'imam al-Bukhari, il dit Haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an Hisham ibn Urwa an Fatima bint al-Munzir an Asma bint Abi Bakrin رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية، قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté également par l'imam Muslim. Et l'imam Al-Bukhari, il l'a rapporté selon Abdullah ibn Maslama, selon Malik, selon Hisham ibn Urwa, selon Fatima bint al-Munzir, selon Asma, la fille d'Abi Bakr, radiyallahu anhuma. Elle a dit que elle est allée voir Aïcha, radiyallahu anha, qui est sa sœur, lorsque il y a eu une éclipse de soleil, une éclipse solaire, et les gens étaient tous debout en prière, et Aïcha, radiyallahu anha, elle-même était debout en train de faire la salat. Alors elle a dit, qu'est-ce que les gens ont, hein? Pourquoi ils sont tous en prière? Alors elle a montré avec sa main vers le ciel, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, pendant qu'elle était en train de faire la salat, elle a pointé vers le ciel avec sa main, yani pour indiquer à Asma, sa sœur, que il y avait une éclipse solaire. Alors elle a regardé, elle a dit Subhanallah, Et elle a dit, j'ai dit un signe, hein, un signe, yani, aya, c'est un signe d'Allah. Et Aïcha radiallahu anha a fait signe avec sa tête en disant oui, avec sa tête, pour confirmer que c'était effectivement à cause de ça qu'ils étaient en train de faire la salat. Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la salat, il a glorifié Allah, il a fait ses éloges, et puis il a dit, il n'y a pas une chose que je n'avais pas vue, excepté que je l'ai vue lorsque j'étais debout dans cette prière. Il a dit, même le paradis et l'enfer. Et on m'a révélé que vous allez être éprouvés dans votre tombe bientôt, et d'une fitna du Dajjal. Et en ce qui concerne le croyant, ou bien le musulman, et le rapporteur, il dit, je ne sais pas lequel de ces deux choses Asma a dit. Est-ce qu'elle a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Asma a dit le croyant ou le musulman? Il dit, je ne sais pas laquelle de ces deux choses Asma a dit. Donc il a un doute entre les deux termes. Est-ce que c'est mu'min ou muslim? Et il dit, non, il dit, Mohammed nous est venu. Donc, il dit, Mohammed est venu à nous avec les preuves claires et nous avons répondu à son appel et nous avons cru. Alors, on leur dira, alors, dors, hein, dors bien, hein, parce que tu es pieux et nous avons su que tu étais convaincu. Tandis que l'hypocrite ou celui qui avait un doute, et encore une fois, il dit, je ne sais pas lequel de ces choses Asma a, lequel de ces termes Asma a utilisé, soit le munafiq ou le murtab. Yani, soit qu'il est l'hypocrite ou celui qui a des doutes. Dans les deux cas, c'est des synonymes. Elle a dit tandis que le munafiq, l'hypocrite, il dira, je ne sais pas. Ça, c'est-à-dire par rapport à la tombe, lorsque les anges vont venir questionner la personne dans sa tombe. Et l'hypocrite, lui, va dire, je ne sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit, hein, je l'ai répété. Donc, Cheikh Rabi'a, hafizahullah, il explique ce hadith. Il dit, An Abdillah ibn Maslama, wa huwa al-Qa'nabi. Donc son nom, Abdullah ibn Maslama, son laqab, c'est Al-Qa'nabi. Et Malik, c'est l'imam Malik ibn Anas, donc qui est dans la chaîne de transmission de ce hadith. L'imam Malik, l'imam de la demeure de la Hijra, c'est-à-dire de Médine, l'imam de Médine, Dar al-Hijra. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait sa Hijra. Donc c'est lui qui rapporte le hadith de yani Abdullah, donc il le rapporte de Hisham ibn Urwa, et celui qui le rapporte de Malik, c'est Abdullah ibn Maslama. D'accord, donc Abdullah ibn Maslama, c'est celui qui a transmis le hadith à l'imam al-Bukhari, qui l'avait lui-même entendu de l'imam Malik. Et il dit ensuite, wa Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, fajadduhu Hawari Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hisham, yani Ibn Urwa, hein? Donc Hisham, c'est le fils de Urwa qui est le fils de Az-Zubayr. Son grand-père était donc un des proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima bint al-Mundhir ibn Zubayr, wa hiya zawjatu Hisham. Donc Fatima, la fille de Al-Mundhir, la fille de Az-Zubayr, et c'était l'épouse de Hisham. Il a donc rapporté le hadith de son épouse. An Asma bint Abi Bakrin, radiyallahu anhuma, qalat ataytu Aisha, hina khasafat ash-shams. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة على الصحيح وفي هذا اليوم مات ولده إبراهيم، فقال الناس إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. Donc ici, le cheikh, cheikh Rabi'a, hafizahullah, il continue donc à expliquer par rapport à la chaîne de transmission de ce hadith. Selon Asma, la fille de Abu Bakr, As-Siddiq radiyallahu anhuma, qui dit, je suis allé voir Aisha, sa sœur. Elle est allée voir sa sœur lorsqu'il y a eu une éclipse de soleil. Et le cheikh, il explique qu'il y a eu à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un seul éclipse solaire. Il y a eu à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un seul éclipse solaire selon la position correcte, la position authentique. Et c'était le jour de la mort de son fils, Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Alors les gens ont dit, le soleil, hein, l'éclipse de soleil, c'est à cause de la mort du fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est un signe de la tristesse, hein, parce que son fils est mort, donc il y a une éclipse solaire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tout de suite réfuté ça en disant, le soleil et la lune ne s'éclipsent pour la mort de quiconque, ni pour la vie de quiconque. Donc c'est pas à cause de la vie de quelqu'un ou de la mort de quelqu'un que le soleil s'éclipse. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Et ça c'est un des signes de la sincérité, de la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand on voit par exemple n'importe quel personne yani, autre que le messager d'Allah parmi les charlatans, quelqu'un qui fait partie des faux prophètes ou des charlatans, aurait utilisé cette occasion justement pour prétendre toutes sortes de choses, hein? Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non, hein? Il a clarifié que ce phénomène qui est l'éclipse fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent yani, c'est pas à cause de la naissance ou de la mort de quiconque qu'il y a un éclipse de ce genre. Et le cheikh, il dit, Cheikh Rabi'a hafizahullah, il dit, An-Nasih al-Amin, alayhi salatu wassalam, bayyana ghayat al-bayan li hadhihi l'umma, wa sadda turq al-khurafat. Falaw anna insanan yuridu an yastawliya ala awatif al-nas, mithl zu'ama al-rafd. وزعماء التصوف لقال نعم هذا حصل من أجل ابني لكن هذا الرسول الناصح الأمين قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد لا لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وقد كان الناس في الجاهلية إذا هوى نجم أو خسفت الشمس قالوا لأجل حياة فلان ولأجل موت فلان ولأجل ولادة فلان فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع دابر مثل هذه الأساطير وجاءنا صلى الله عليه وسلم بدين خالص نقي. Donc le cheikh, il explique ici que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un conseiller honnête et fiable. Et il a clarifié cette affaire d'une clarification hein, claire pour cette umma qui a fermé toutes les portes à toutes les superstitions. Il dit parce que si quelqu'un essayait de prendre le dessus sur les sentiments des gens, comme le font les chefs de la secte des Rafida ou des chefs des têtes des soufis aujourd'hui, hein, ils auraient utilisé cet événement-là, puis ils auraient dit, oui, ça c'est à cause de la mort de mon fils, Hein? Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le conseiller honnête et sincère et véridique. Et il a donc dit non. Le soleil et la lune, ils ne s'éclipsent pas pour la mort de quiconque, ni pour la vie de quiconque, mais plutôt ce sont des signes parmi les signes d'Allah. Et les gens de la Jahiliya, lorsque une étoile tombait, ou lorsque le soleil était éclipsé, ou qu'il y avait une éclipse de soleil ou de la lune, eh bien, les gens disaient, ah, ça c'est à cause de la vie d'un tel, ou de la mort d'un tel, ou à cause de la naissance d'un tel. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé complètement hein, ces fausses croyances et ces histoires. Et il nous est venu avec la religion pure et claire. Le cheikh, il dit ensuite, قالت أسماء أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على مشروعية صلاة الكسوف والخسوف للرجال والنساء فعائشة قامت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجماعة أسماء كأنها ما عرفت أن هناك خسوفا للشمس قالت فقلت ما للناس كيف يصلون في هذا الوقت والصلاة غير معهودة والصلاة غير معهودة فيه قالت فأشارت بيدها نحو السماء وهذا فيه بيان أنه إذا سألك شخص في شيء مهم فلك أن تشير بيدك وإذا سلم عليك مسلم ترد السلام عليه بالإشارة حتى يفهم أنك رددت عليه لأن السلام مشروع مستحب أن يبدأ به المسلم والمسلم عليه تجب عليه الإجابة. Donc ici le cheikh il explique que Asma par la suite donc elle a dit qu'elle est allée voir Aisha radiyallahu anha lors de l'éclipse de soleil et les gens étaient en train de prier et elle priait elle-même avec le messager d'Allah. C'est-à-dire Aisha radiyallahu anha elle priait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle suivait le messager d'Allah dans sa prière. Alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une chose qui prouve justement la légalité ou bien le fait qu'il est légiféré de faire la salat de l'éclipse, que ce soit l'éclipse de soleil ou l'éclipse de la lune, et que c'est légiféré pour les hommes et pour les femmes. Aisha radiallahu anha, donc, s'est levée pour prier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette prière en groupe. Et Asma, hein, c'est comme si elle n'avait pas réalisé qu'il y avait une éclipse à ce moment-là. Alors elle a dit, mais qu'est-ce que les gens ont? Pourquoi les gens prient maintenant? Donc c'est pas un moment de la journée qui est connu comme étant un moment de prière. Alors comment ça se fait que les gens sont en train de faire la salat en ce moment? Alors Aisha radiallahu anha, elle lui a fait un signe avec sa main vers le ciel. Et il y a dans ça une clarification qui montre que lorsque une personne pose une question à quelqu'un qui est en prière et que c'est une question importante, que c'est permis à la personne qui est questionnée de répondre en faisant un signe de la main. De la même manière que lorsque quelqu'un, par exemple, est en train de faire la salat et que quelqu'un lui fait le salam, il peut répondre au salam avec sa main. Il peut répondre au salam en faisant un signe avec sa main. Yani pour que la personne comprenne que tu lui as répondu à son salam. Hein, parce que le salam en lui-même, Le fait de donner le salam à quelqu'un, de saluer quelqu'un par le salam, c'est quelque chose qui est recommandé de débuter, hein, de faire le salam à un musulman. Toutefois, la personne à qui on a donné le salam, il est obligatoire pour lui de répondre à ce salam, même s'il est dans la prière. Et le cheikh, il dit, qalat, faqalat subhanallah. فقلت آية قالت قالت برأسها النعم وهذا أيضا بيان جواز الإشارة بالرأس هنا أثناء الصلاة أما الكلام فممنوع لا يجوز في الصلاة فيكتفي أو ف يعني يكتفى بالإشارة. Ici le cheikh il explique que Aïcha radiallahu anha, lorsque يعني Asma a répondu, elle a dit Subhanallah. Asma a dit Subhanallah. Hein? Yani, gloire à Allah, que Allah soit purifié. Ça, elle a dit, c'est un signe. Hein? Et Aïcha radiallahu anha a fait signe avec sa tête, hein? En disant oui. Et Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, ça c'est encore une fois l'explication qu'il est permis de faire un signe de la tête pour répondre à quelqu'un pendant la salat. Et que ce qui est interdit, par contre, c'est la parole. Donc, il est interdit de parler durant la salat. Hein? On se limite uniquement à un signe. Faire un signe de la tête, ou bien un signe avec la main, hein, ou quelque chose de ce genre. Ensuite, le cheikh, il dit, قالت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه حمد الله وأثنى عليه صلى بالناس صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة طويلة جدا والصلاة الكسوف يطال فيها الصلاة حتى ينكشف ما بنا فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا رأينا الكسوف كسوف الشمس أو القمر أن نصلي حتى ينكشف ما بالناس فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده قام كما وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة حمد الله وأثنى عليه وهذا أمر مشروع في الخطب أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est ensuite, Asma a dit, il est sorti donc de la salat, il a terminé la salat, puis il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges d'Allah. Et yani, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié avec les gens et sa prière était très très longue. Hein? La prière de l'éclipse, c'est une prière qui est très très longue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la prière de l'éclipse jusqu'à ce que l'éclipse soit terminée. Donc c'est une prière qui peut durer plus qu'une heure. Et il dit, le cheikh, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsqu'on voit une éclipse de soleil ou de la lune, on prie jusqu'à ce que l'éclipse soit terminée. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prolongé cette salat comme Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, le jour où le soleil s'est éclipsé ou qu'il y a eu une éclipse de soleil, il s'est levé, il a fait le takbir et il a récité une récitation très prolongée. Et il a fait un recours très long. Puis il s'est relevé encore une fois. Puis il a dit Sami Allahu liman hamida en se relevant. Puis il est resté debout et a récité encore une fois une récitation très longue, mais moins longue que la première récitation. Puis il a fait un deuxième recours qui était très long également, mais moins long que le premier recours. Puis il s'est prosterné, une longue prosternation. Puis il a fait cela encore une fois dans la deuxième raka'a, de la même manière que dans la première. C'est-à-dire il fait deux qiyams et deux recours dans la première raka'at et dans la deuxième raka'at. Donc il y a quatre récitations dans ces deux raka'at. Bon, quand il a terminé quand il a fait le taslim et que le soleil était revenu ou réapparu, il a fait un discours. Il s'est adressé aux gens. Et il a dit dans ce discours que les éclipses de soleil et de lune sont des signes parmi les signes d'Allah et qu'ils ne s'éclipsent ni pour la mort ni pour la vie de quelqu'un. Que c'est uniquement un signe d'Allah. Il a dit, et lorsque vous les voyez, eh bien, précipitez-vous vers la salat. Lorsque vous les voyez, précipitez-vous vers la salat. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait la salat de l'éclipse, il faisait l'éloge d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il glorifiait Allah. Et ça, c'est une chose qui est légiférée en ce qui concerne les discours, de glorifier Allah, de faire l'éloge d'Allah et de faire la salat sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit, ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. هذا من آيات الله أيضا أن يريه الله عز وجل في مقام واحد أشياء لم يرها. فهذا بمقدرة الله الذي لا يعجزه شيء حتى رأى الجنة والنار. وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء رآهما في مناسبات ورآهما في هذا اليوم الذي خسفت. Donc le cheikh il explique que ensuite ensuite Asma elle a dit donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la salat, il a dit il n'y a rien que je n'avais pas vu auparavant excepté que je l'ai vu dans cette prière pendant que j'étais debout dans cette prière, même le paradis et l'enfer. Et ça fait partie des signes, parmi les signes que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait voir dans un seul instant, il lui fait voir ce qu'il veut, même des choses qu'il n'a pas vues. Et ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire. Il n'y a rien qui est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien que Allah est incapable de faire. Donc même de faire voir le paradis ou l'enfer, ça c'est la preuve que le paradis et l'enfer sont déjà créés et qu'ils existent présentement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a vus dans la nuit de du voyage du voyage de nuit, du voyage nocturne à l'Isra, et dans d'autres occasions également. Et il l'a vu ce jour-là lorsqu'il y a eu l'éclipse de soleil. Le cheikh il dit qala sallallahu alayhi wa sallam wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnati ad-dajjal fala budda min al-isti'dad li muwajahati hadhihi al-fitna wa hadha al-imtihan al-'azim الذي لا يستطيع الإجابة فيه إلا مؤمن المؤمن الصادق المخلص فيسأل عن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم قال صلى الله عليه وسلم فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا وهذا لفظ حديث أسماء من طريق آخر وفي هذا المقام قال أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني أن فاطمة بنت المنذر شكت هل قالت عمتها أسماء يعني فأما المؤمن أو قالت فأما المسلم وهذا فيه دليل على أن على الأمانة في النقل على الأمانة في النقل فلو شك الراوي في لفظة فينبغي أن يبين أنه حصل له شك فيما سمعه وهل هذا اللفظ أو ذاك إما هذا وإما هذا قال صلى الله عليه وسلم فيقول هذا المؤمن المجيب المسلم محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا هذه إجابة المؤمن يسأله منكر ونكير وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فالمؤمن يقول نبي ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب أن نستعد لهذا اللقاء العظيم والفتنة العظيمة التي تقرب من فتنة الدجال لأن الدجال يأتي بفتنة عظيمة فيكفر كثير من الناس ويؤمنون به ربا والعياذ بالله لشدة هذه المحنة والفتنة ويأتي معه بجنة ونار في الظاهر لكن الحقيقة أن جنته نار وناره جنة فإذا أمر المسلم أن يقتحم النار فليقتحمها لا يخف فإنه يجدها جنة علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc le cheikh il explique que ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a révélé également que vous allez être éprouvés dans la tombe très prochainement c'est-à-dire yani que c'est une épreuve qui est proche yani et il a dit que cette fitna elle est proche du Messie ad-Dajjal en voulant dire c'est une épreuve qui est très grande. Le cheikh il dit que il faut donc se préparer pour affronter cette épreuve, ce grand test. Et il dit il n'y a personne qui sera capable de répondre correctement à ces questions qui nous sera posées dans la tombe, excepté le croyant qui est sincère et véridique. Alors il sera questionné à propos de ce noble messager, alayhi salatu wassalam, que dis-tu à propos de cet homme qui a été envoyé parmi vous? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors il dira Muhammad nous est venu avec les preuves claires et nous avons répondu à son appel et nous avons cru Et ça, c'est la narration du hadith d'Asma dans une autre narration. Et à ce moment-là, elle a dit, tandis que l'hypocrite ou celui qui avait des doutes et celle qui rapporte le hadith, elle dit, je ne sais pas lequel de ces deux termes a été employé par Asma. C'est-à-dire, elle ne sait pas si c'était le terme munafiq ou murtab. Yani celui qui est hypocrite ou qui doute. Alors il dira, je ne sais pas. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit. Et le cheikh Rabi', hafizahullah, il explique que Fatima bint al-Munzir, elle a eu un doute à propos de ce que sa tante Asma a dit à propos de ce terme qui est employé dans le hadith. Est-ce que c'était le mu'min ou le muslim? Et l'autre terme, c'était le munafiq ou al-murtab, celui qui est hypocrite ou qui a un doute, ou bien le musulman ou le croyant. Et le cheikh, il dit, et ça nous indique une chose, ça nous indique la fiabilité et l'honnêteté du rapporteur du hadith. Du fait que si le rapporteur du hadith avait un doute à propos d'un terme, eh bien, il rapportait le doute qu'il avait, il mentionnait le doute qu'il avait dans ce qu'il avait entendu. Est-ce que c'était ce terme ou l'autre? Donc c'est soit celui-là ou l'autre. Et le cheikh, il dit ensuite, alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le croyant, il va dire, le vrai musulman, le croyant, il va répondre en disant, Muhammad nous est venu avec les preuves claires, et nous avons répondu et cru en lui. Donc ça, c'est la réponse du croyant lorsque les deux anges, Munkar et Nakir, viennent poser la question. Il y a des narrations de ce hadith qui mentionnent que on va également lui poser la question à propos de son Seigneur et de sa religion et de son prophète. Et le croyant va dire, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit donc, il est obligatoire de se préparer pour cette rencontre immense et de cette grande épreuve qui est proche de la fitna du Dajjal, car la fitna du Dajjal, c'est une immense fitna. Et beaucoup de croyants vont tomber dans la mécréance, et beaucoup de gens vont plutôt beaucoup de gens vont tomber dans la mécréance et vont croire en le Dajjal comme étant leur seigneur. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est à cause de la grandeur et de la férocité de cette épreuve, de ce test. Parce qu'il va amener avec lui un feu et un paradis, en apparence. Mais la réalité est que son paradis, c'est un feu, et son feu est un paradis. Alors, si le musulman est présent, et on le menace, le Dajjal menace le musulman du feu, eh bien, qu'il rentre dans le feu à ce moment-là parce que c'est en réalité un paradis. Il ne doit pas avoir peur. Il va trouver que c'est un paradis en réalité. Et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris cela. Et il dit le cheikh que Ash-shahid anna fitnatahu azima. يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي أنبتي فتنبت وغير ذلك لعنة الله عليه ويتصدى له رجل مؤمن من أهل المدينة كما في الحديث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فقال فيما يحدثنا يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة يعني بعد الصباح الصباح التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال رأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أصلت عليه. يخرج إلى هذا الدجال كل من في المدينة من منافق وكذاب. يأتي في ذاك الوقت في المدينة منافقون يؤيدونه، ويخرج إليه هذا المؤمن التقي، فيفضح الله الدجال ويكشف طريقته على يديه، ويتبين أنه مخلوق خسيس وأنه عاجز، وأن ما يتظاهر به من الإحياء والإماتة كلها كذب ودجل، وهو ابتلاء من الله عز وجل. والشاهد أن إجابة المؤمن تكون بقوله محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. نسأل الله أن يوفقنا للإجابة في هذه المحنة العظيمة وهذا الموقف الرهيب الذي يحتاج منا إلى استعداد، فنجعل هذا نصب أعيننا، لأن هذا بعده إما عذاب في القبر وعذاب في النار، أو نعيم في القبر ويتلوه نعيم في الجنة. وهذا مفترق الطريق أو مفترق الطرق كما يقال في تعبير المعاصرين. Donc le cheikh il explique ensuite que il est obligatoire pour nous donc de se préparer pour cette rencontre importante et cette fitna du Dajjal qui est une grande fitna. Et qu'est-ce qu'on peut tirer donc par rapport à cette grande fitna? C'est que le Dajjal, lorsqu'il va venir, il va dire au ciel, il va ordonner au ciel qu'elle fasse tomber sa pluie, qu'il fasse tomber sa pluie et il va pleuvoir. Il va dire au ciel, fais tomber la pluie et la pluie va tomber. Il va dire à la terre, fais pousser les plantes et la terre va pousser des plantes. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Donc c'est un homme qui va avoir des pouvoirs, mais c'est un shaitan, c'est un allié du diable, c'est un shaitan qui égare les gens. Et beaucoup de gens vont le suivre et il va les égarer. Son paradis c'est un enfer et son enfer c'est un paradis. Et il y a un homme parmi les gens de Médine, un croyant, qui va l'affronter, qui va aller vers lui. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit donc que cet homme, lorsque le Dajjal va venir, c'est ça, le hadith est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié donc la venue du Dajjal dans un hadith qui est très long, et il dit dedans donc que le Dajjal va venir et il n'a pas le droit de rentrer dans la ville de Médine, donc il ne peut pas rentrer, et donc il va s'arrêter à une certaine distance parmi les clôtures de là où il y a une clôture qui désigne ou qui délimite la région de Médine. Et donc il y a cet homme qui va partir, qui va aller à sa rencontre, et c'est parmi les meilleurs des hommes, et il va dire je témoigne que c'est toi le Dajjal, celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné dans ses hadiths. Alors le Dajjal va dire, il y a une voiture, si je te tue puis que je te fais revivre, est-ce que tu vas douter au sujet de l'affaire? Alors l'homme a dit non, Alors il va le tuer, puis il va le faire revivre. Alors l'homme va dire, lorsqu'il va le faire revivre, par Allah, hein, je ne suis pas plus certain, je n'ai pas plus de connaissances, hein, à ce sujet maintenant que... Il y a personne qui a plus de connaissances ou de clarté à ce sujet-là que moi aujourd'hui. Alors le Dajjal, il va lui dire, je le tue, hein, et je le tue et je n'aurai donc pas de pouvoir sur lui. Alors le cheikh, il explique que cet homme-là, il va sortir à ce moment-là, lorsque le Dajjal va venir, tous les hypocrites et les menteurs qui vivaient à l'intérieur de la ville de Médine, ils vont tous sortir, aller rejoindre le Dajjal à ce moment-là. Parce qu'il va y arriver un temps où à Médine, il y aura des hypocrites qui vont yani, supporter le Dajjal et qui vont être hein, d'accord avec lui. Et ceux-là, yani, ils vont sortir pour aller le rejoindre. Et donc ce croyant va sortir pour aller yani, démasquer ce Dajjal. C'est un croyant qui est pieux et lui, il va sortir pour aller l'affronter et il va le démasquer. Et il va faire voir clairement yani, ses ruses et ses méthodes. Et il va donc clarifier en fait que c'est une créature minable et incapable en même temps. Et que c'est un être humain faible comme les autres. Mais il fait paraître qu'il fait vivre et qu'il fait mourir, qu'il peut faire mourir, qu'il peut faire revivre des morts ou des choses de ce genre, mais c'est un menteur. Et ça, c'est une épreuve de la part d'Allah. Et ça, en même temps, dans ça, il y a une leçon aussi pour tous les gens qui suivent des charlatans ou qui suivent des gens qui se disent marabouts et qui font toutes sortes de sorcellerie. Et toutes sortes de choses qui semblent être parfois des miracles, mais ils utilisent l'aide des diables pour le faire. Et ils pensent que ça, c'est le signe que ces gens-là sont des gens qui sont des awliyas ou des choses de ce genre. Et donc, il faut se dire que beaucoup de gens vont croire au Dajjal justement à cause des miracles qu'il fait ou des choses qui semblent être des miracles et qui sont en réalité des ruses du shaitan. Et c'est pour ça qu'il faut être sur ses aguets par rapport à ça et ne pas se laisser tromper. Même si quelqu'un fait tomber la pluie ou même si quelqu'un il prétend faire tomber la pluie ou prétend faire pousser des arbres ou des plantes ou même s'il prétend pouvoir faire vivre et mourir. Et on en voit plein de gens comme ça, des catégories de magiciens à notre époque qui font toutes sortes de tours de magie à notre époque et des illusions. Et qui font croire aux gens qu'ils sont capables de faire des choses impossibles. Et beaucoup de gens donc sont éblouis par ça. Imaginez lorsque le Dajjal va venir. Donc il faut vraiment être et aller préparer à ça, qu'Allah nous préserve. Et le cheikh il dit: "Ash-shahid anna ijabat al-mu'min takunu bi qawlihi Muhammadun ja'ana bil bayyinati fa'ajabna hu wa amanna." Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là? C'est que la réponse du croyant ce jour-là sera de dire, Muhammad nous est venu avec les preuves claires et nous lui avons répondu et nous avons cru en lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le succès de justement bien répondre lors de cette épreuve immense. Et cette situation effrayante que chacun aura à affronter. Et ça, et le cheikh il dit donc, nous avons donc besoin tous de nous préparer pour ça, en faisant les bonnes œuvres et en étant sincères. Et yani, donc il faut imaginer que cette chose-là, elle est devant nos yeux. Parce que après cet événement-là, après ces questions qui vont nous être posées dans la tombe, ce sera soit un châtiment de la tombe et un châtiment dans l'enfer, ou un délice dans la tombe qui sera suivi par des délices dans le paradis. Et c'est comme on dit la croisée des chemins, comme on le dit à notre époque. Hein, c'est la croisée des chemins. Le cheikh il dit wa qala sallallahu alayhi wa sallam fa yuqal nam salihan alimna annaka muqinun wa fi hadith al-barra fa yunadi munadin fi as-samaa an sadaqa 'abdi fa afrishuhu min al-jannah wa albisuhu min al-jannah wa iftahu lahu baban ila al-jannah qala fa ya'tihi min ruhihi min روحه أو من روحها فيأتيه من روحها وطيبها فيسفح أو فيفسح له في قبره وقال صلى الله عليه وسلم وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وفي رواية يقول ها ها لا أدري يعني أنه كان لا يؤمن بما يقول وإنما قال ما يقول الناس من غير إيمان ومن غير تصديق ومن غير اتباع بل هو في باطنه كافر بما يقول سواء كان مرتابا أو منافقا خالصا فهذا جوابه ومصيره وعذابه والعياذ بالله كما في حديث البراء أو البراء فينادي مناد من السماء أن كذبه فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite qu'on dira à cette personne tu peux dormir, hein, tu es une personne pieuse et on a su que tu étais convaincu. Et dans le hadith de Al-Bara, il y a la mention suivante que on va entendre quelqu'un appeler dans le ciel et qui va dire à ce moment-là, « Tu as mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui dans sa tombe d'un tapis du paradis et faites-lui porter des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et de cette porte, il va y avoir de l'air ou du vent, de l'odeur du paradis, et du parfum du paradis qui va rentrer dans sa tombe. Et sa tombe sera élargie pour lui. Elle va devenir vaste et spacieuse. Tandis que l'hypocrite ou celui qui avait des doutes et celle qui rapporte le hadith, elle dit « Je ne sais pas lequel de ces deux termes a été employé par Asma. » Elle a un doute. Et il dira, donc on va lui dire, ou bien lui-même il va dire, cette personne dans sa tombe qui était hypocrite, elle va dire, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai dit. Et dans une autre narration, il va dire, ha, ha, la adri. Et le cheikh, il explique que, en réalité, celui-là, il ne croyait pas en ce qu'il disait. Il faisait juste répéter ce que les gens avaient dit sans réellement avoir la foi et sans réellement croire et sans suivre également. Donc, au fond de lui, cette personne, c'était un mécréant. Il ne croyait pas en ce qu'il disait. Peu importe qu'il était un hypocrite ou qu'il soit quelqu'un qui... Elle avait des doutes, c'est ça sa réponse et c'est sa destination et son châtiment c'est le suivant comme c'est mentionné dans le hadith de Al-Bara une voix va appeler du ciel et qui dira il a menti étendez-lui dans sa tombe d'un tapis de feu et ouvrez-lui une porte vers le feu. Et de cette porte, il va sentir de la chaleur de l'enfer ainsi que de la fumée. de l'enfer. Et sa tombe va devenir étroite, hein, sur lui, jusqu'à ce que ses côtes, hein, sa cage thoracique soit écrasée, yani. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est la preuve de l'obligation, ou bien de pas la, de l'obligation, mais cheikh dit yadullu ala wujud al-'adab fi al-qabr qawl Allah ta'ala an fir'aun wa qawmihi النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فالكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا في القبر ويوم القيامة يقال لفرعون وقومه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذا لأمثاله من الكفار فعذاب القبر وفتنته دلت عليه أحاديث كثيرة ودل عليه القرآن في مثل هذه الآية نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا اليقين الصادق وأن يثبتنا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est l'indication de l'existence du châtiment dans la tombe. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran à propos de Pharaon est une preuve de ça aussi, à propos de Pharaon et de son peuple. Dans le verset 46 dans Surat Ghafir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie qu'ils seront présentés au feu matin et soir. Donc les kuffars seront présentés au feu de l'enfer matin et soir lorsqu'ils sont dans leur tombe. Et au jour de la résurrection, on dira à Pharaon et à son peuple, entrez. Hein? Faites entrer la famille de Pharaon au châtiment de l'enfer, hein? Le plus dur des châtiments. Et ça, c'est l'exemple pour lui et pour ses semblables parmi les kuffars. Et donc, le châtiment de la tombe et la fitna de la tombe a été établi par nombreux hadiths et même par des versets dans le Coran, comme ce verset qu'on a mentionné. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la foi et de nous donner la certitude et d'être véridique et de nous raffermir sur ce qui a été rapporté de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, notre Seigneur exauce les invocations et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc, c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui pour ce livre. Donc, il nous reste maintenant, il va nous rester le hadith suivant qui est le dernier hadith, le hadith numéro 12 dans le livre. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.